bienvenue dans le monde de l'underground by Fred Cominatia. De la soul, du funk, du hip-hop, du new disco, de l'indie dance et surtout de la house, deep house, tech house, jusqu'à la progressive. Des présentations d'artistes et labels internationaux, mais aussi d'associations et collectifs régionaux. Tous les jeudis 17h-20h, des nouveautés et des mix live en son et images par Cominatia, mais aussi par des invités de choix du monde de l'underground. Et bien voilà, fin de cet épisode du Son de l'Underground sur Radio Méditerranée Var. Vous étiez en compagnie de Fred Cominatia, encore confiné, encore dans son home studio, donc une émission enregistrée. Mais c'est pas grave, le cœur y est, je suis avec vous. J'ai hâte de retrouver les studios et mon trompas. Voilà, quoi vous dire. Mais écoutez, j'ai pris grand plaisir à vous donner ce good vibe. C'était un good vibes un petit peu en mode nu disco, tech house et techno, un peu de tout, un peu un medley comparé aux derniers épisodes. Dieu seul sait ce qu'on va faire la semaine prochaine, on va sortir du good vibes, on va faire quelque chose de peut-être de plus sérieux ou moins, on ne sait pas. En tout cas, je vous souhaite bon courage pendant ce confinement, je vous souhaite une bonne semaine, je vous envoie tout mon good vibes venant du cœur et restez donc à l'antenne sur Radio Méditerranée Var avec des super programmes et de la vraie info. Voilà, allez, bis à tous, à bientôt.